Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 4 octobre dont voici les grandes articulations. L'Union européenne appelle le gouvernement burundais dans la médiation régionale à Arusha conduite par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. L'appel est du directeur général Afrique au service d'action externe de l'Union européenne. Le président du parti de l'opposition FEDESANGIRA, qui est en même temps membre du directoire du Sénat, a été libéré dans l'après-midi de ce lundi. Gervais Niyongabo était détenu depuis 6 jours au cachot du service national de renseignement. La commission chargée de redéploiement des enseignants a fini son travail. Le président de cette commission a mis en garde quiconque ne se présentera pas à son nouveau poste jusqu'au 7 octobre qui sera considéré comme déserteur. Dans la chronique santé de ce mardi, le conseiller sexuel et conjugal nous parlera des pilules érotiques. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Eric Wimana. À la présentation, Mireille Kanyangé, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir, page sécurité pour débuter ce journal. Deux hommes de retour de l'Ouganda ont été arrêtés à Mwakiro ce lundi et directement conduits au cachot de la police judiciaire de Muyinga. Des sources sur place indiquent que les deux individus sont pour le moment sous la responsabilité du service national de renseignement qui mène ces investigations. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. Etienne Banyunga et Leonard Ngendakumana ont été arrêtés au chef-lieu de la commune Mwakiro lundi. Ces habitants de la colline Rutiado sont présentés à la commune sur convocation des administratifs. Des proches de ces deux détenus affirment que des soupçons pèsent sur ces deux individus par le simple effet d'avoir récemment regagné leur domicile après quelques temps passés en Ouganda. De Mwakiro, ils ont été vite conduits au cachot de la police judiciaire de Muyinga. Des sources à cette police confirment la présence de ces hommes au cachot, mais jusque vers midi de mardi, l'objet de détention n'est pas connu. Le même service précise que c'est le service de renseignement qui mène ces investigations sur ces hommes. Les proches des deux individus demandent aux organes habilités de mener leurs enquêtes sans immixtion du politique. L'un des détenus, Etienne Banyunga, était membre influent du FNL et du député Agapo Gwasa. Et serait allé en Ouganda pour se faire soigner d'après toujours ses proches. Dieudonné Nzeimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana, toujours en page sécurité. En certain, Jérôme Ndimwizinga de la colline Nyagitongate en commune Kayokwe de la province Mwaro est mort foudroyé dans l'après-midi de ce lundi. Cet incident, s'est passé lors d'une pluie qui est tombée selon les sources sur place. Trois classes, une partie de la cuisine ainsi que la direction du lycée de Mouyebe dans la même commune de Kayokwe ont été abîmées par la pluie dans l'après-midi de vendredi dernier selon le directeur de cet établissement. Et un homme communément appelé Rugandier est mort court-circuité à Mukoni en commune Muyinga ce mardi matin d'après des agents de la régie des eaux. L'homme en question a été touché par une branche d'arbre en contact avec le réseau haute tension proche de l'arbre qui l'a batté. Pour éviter de tels accidents, la population est appelée à ne plus s'approcher des installations électriques de la régie des eaux. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation de ce journal, la commission chargée du redéploiement des enseignants a fini son travail. Le président de cette commission précise que même le délai de recours a déjà expiré. Dans un point de presse de ce mardi, Liboire Abigliman a mis en garde quiconque ne se présentera pas à son nouveau poste jusqu'au 7 octobre, qui sera considéré comme déserteur. Suivez. Tous les enseignants redéployés doivent regagner leurs nouvelles écoles d'affectation dans un délai ne dépassant pas le 7 octobre 2016. Celui qui dépassera ce délai sera considéré comme déserteur. La Commission nationale du redéploiement s'est donné une période de pouvoir recueillir toutes les plaintes des enseignants via les directions provinciales de l'enseignement. Il a été demandé à tous les enseignants redéployés injustement ou qui ont des maladies ou handicaps, ne pouvant pas permettre l'exécution des nouvelles affectations, de fournir toutes les pièces pouvant convaincre la commission. comme dans la première phase. La commission a élaboré des critères objectifs et consensuels de traitement de ces recours. En effet, la validation des critères est faite par toutes les parties prenantes et les membres de la commission nationale sont allés rencontrer ceux des provinces pour analyser cas par cas les recours soumis à la commission. Les directeurs provinciaux de l'enseignement sont priés de présenter au cabinet du ministre les listes de ceux qui ne se sont pas encore présentés au plus tard le lundi 10 octobre de l'exercice en cours. Les enseignants de la DPM Ngaro qui ont été redéployés et réaffectés par erreur dans la DCE de Mokike sont priés de passer à la DPE de Bujumbura pour retirer leur affectation aux écoles de la DCE Nyabiraba de la province scolaire de Bujumbura. Les rapports qui ont servi à l'identification du personnel enseignant en pléthore sont les seuls qui seront pris en compte pour rémunérer les enseignants des bouts du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Liboire Bigrimana, c'est le président de la commission chargée du redéploiement des enseignants. Il était au micro de Ben Nyonguru. Page justice de ce journal. Rentrée judiciaire ce mardi, une occasion pour la ministre burundaise de la Justice de faire savoir que deux centres de rééducation pour mineurs depuis 2015 sont fonctionnels dans les provinces de Lumonge et Ruyigi, comme elle a indiqué. Aimé Laurentine Kanyana en outre ajouté que 2000 prisonniers ont été libérés par grâce présidentielle et d'État avec Christella Nizigama. Au moment de l'ouverture de la rentrée judiciaire édition 2016-2017, la ministre de la Justice a indiqué que son ministère s'est doté d'une politique sectorielle pour la période 2016-2020, un document de synthèse conçu à l'intention des gestionnaires du secteur de la justice. Aimée Laurentine Kanyana a en outre précisé que, dans son engagement, son ministère a fait de la justice juvénile et de la lutte contre les violences basées sur le genre, une des priorités de la réforme judiciaire en cours et la promotion de la justice de proximité. Depuis 2015, deux centres d'éducation pour mineurs sont déjà fonctionnels. Il s'agit du centre de Rumonge et Ruyigi, tandis qu'un quartier spécial pour mineurs a déjà vu le jour à la prison Femmes d'Ongozi. Une cellule nationale protection judiciaire de l'enfant et une cellule chargée de la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre sont déjà fonctionnelles, ainsi que leurs sections et chambres spécialisées au niveau national. Pratiquement, une mesure de grâce présidentielle a permis de libérer plus de 2000 prisonniers, en plus de ceux qui ont vu leur peine allégée. De son côté, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandui, a indiqué que le magistrat doit avoir quelques qualités morales dans l'exercice de ses fonctions. Il doit être armé pour faire triompher la justice. Le magistrat doit, pour lutter efficacement contre la criminalité, savoir que dans la répression des infractions, les situations auxquelles il fait face sont différemment perçues. Conscient de la gravité de ses décisions, le magistrat doit écouter attentivement toutes les parties et tenter d'apaiser leurs tensions. Le magistrat doit être un homme toujours armé pour faire triompher la justice, protecteur intrépide de l'innocence. Lorsque le juge en perd le souvenir, c'est pour le malheur du justiciable. Le juge doit être très délicat et sonder parfaitement son cœur avant de donner son opinion. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, qui a ouvert cette rentrée judiciaire, a appelé les corps de justice à mettre en œuvre la politique de tolérance zéro face à la criminalité liée au trafic d'armes et d'êtres humains. Il a également remercié la justice pour son rôle dans la consolidation de la paix depuis la période de 2010 jusqu'à maintenant. Signalons que cette journée avait pour thème le rôle de la justice dans la consolidation de la paix. Merci à Christella Nizigama. 10 hommes ont été arrêtés dans la soirée de ce dimanche à 9e avenue numéro 49 en zone Mutakura de la mairie de Bujumbura. Parmi les personnes arrêtées figurent Salvatore Nahimana, journaliste à la radio Maria Burundi. Pierre-Henriquier, porte-parole de la police nationale, indique que les 10 personnes ont été surprises en train de tenir une réunion dans laquelle elles échangeaient sur les moyens de ravitaillement des groupes de malfaiteurs. Et en page santé, 8 cas de choléra ont été enregistrés ces deux derniers jours au centre de traitement de choléra de Kabezi, c'est en province Bujumbura, selon la Croix-Rouge du Burundi, via son porte-parole. Il fait savoir que ces 8 personnes proviennent des collines Rutonde en zone Migera ainsi que Gakungwe en zone Ramba de la commune Kabezi. La Croix-Rouge appelle ceux qui sont restés dans les ménages de suivre des mesures d'hygiène et de bouillir l'eau puisée dans le lac Tanganyika et dans la rivière Nyangara. La Croix-Rouge du Burundi prévoit pulvériser les ménages de ces personnes et disponibiliser les tanks d'eau. Je vous le disais en titre, l'Union européenne appelle le gouvernement burundais à s'engager pleinement dans les négociations conduites à Arusha en Tanzanie par le médiateur Benjamin Mkapa. Cela a été dit ce mardi par le directeur Afrique au service d'action externe de l'Union européenne au terme d'une réunion conjointe qui a eu lieu lundi entre le gouvernement et l'Union européenne dans le cadre du suivi de la décision du 14 mars de l'année en cours prise en application de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Les deux parties ont passé en revue des cas pressés au niveau des droits de l'homme, de la liberté des médias et au niveau des procès judiciaires en cours. Avec un nouveau sommet des pourparlers prévu à Arusha, l'Union européenne compte sur l'engagement plein du gouvernement burundais. Suivez ce délégué de l'Union européenne. Nous avons reconfirmé toute l'importance que nous attachons à la médiation régionale, le président Mkapa, au titre de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est chargée à gérer, donc à soutenir le dialogue entre les différentes parties burundais. Et donc nous avons appelé le gouvernement burundais, comme nous appelons aussi l'opposition, à s'engager sérieusement et d'une façon tout à fait crédible dans ce dialogue. Il y a une session de dialogue qui est prévue dans quelques semaines à Arusha et nous comptons vraiment sur l'engagement plein et entière du gouvernement burundais dans ce cadre-là. La solution politique pour l'Union européenne se situe dans le cadre de l'accord d'Arusha, nous l'avons dit à toutes les occasions, parce que l'accord d'Arusha, et pour lequel en fait l'Union européenne est co-signataire en tant que témoin, c'est utile de le rappeler, pour nous et je crois pour les Burundais, cet accord a permis la stabilité et le développement depuis 2000 et c'est ça exactement l'objectif que nous poursuivons ici au pays. Dernière remarque dans nos discussions, nous avons vraiment encouragé le gouvernement à coopérer pleinement avec toutes ces initiatives. J'ai déjà fait mention de la médiation régionale. Il y a l'Union africaine qui est déjà présente, mais qui souhaiterait augmenter sa présence avec des observateurs militaires et des observateurs des droits de l'homme. Il y a les initiatives du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a les mécanismes du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et nous exhortons vraiment le gouvernement à saisir ces opportunités. Ce sont des opportunités pour une sortie de crise ici au Burundi. Cohen Vervaek, c'est le directeur Afrique au service d'action externe de l'Union européenne, des propos recueillis par Léonce Bitariho. Toujours en page politique, le président du parti de l'opposition Fedes Sangira, qui est en même temps membre du directoire du Senared, a été libéré dans l'après-midi de ce lundi. Gervais Niyongabo était détenu depuis 6 jours au cachot du service national de renseignement. Il avait été arrêté quand il se rendait en mission de travail à Nyanza Lac en province Makamba. La police nationale qui l'avait arrêté sur mandat du procureur général près la cour d'appel de Bujumbura l'a confirmé. Gervais Niyongabo était accusé de participation aux bandes armées et atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ce qu'avait rejeté sa famille politique qui parlait d'une arrestation arbitraire. Les habitants du quartier Nhengabusolo de la zone Kanyosha se lamentent contre la lenteur de la direction de l'urbanisme pour la viabilisation de leurs parcelles. Juvenal Nheshimana, un de ses habitants, dit qu'ils avaient disponibilisé 48% de leurs parcelles pour le traçage des routes, mais que rien n'a été fait depuis 2008 à part des réunions qui se sont tenues en 2015. Suivez. Nous faisons partie de ceux qui attendent la viabilisation de Nhengabusolo. Depuis 2008, nous avons eu des réunions avec nos dirigeants, mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait. On attend toujours qu'ils tracent des routes, mais en vain. On ne peut rien faire dans nos parcelles, même vendre ou rénover nos maisons. Tout a commencé en 2008. On avait eu des discussions avec les COSAT. Ensuite, on nous a envoyé à l'urbanisme et par après à la CIB. On a eu une réunion avec la CIP en janvier 2015. Ils nous avaient promis qu'en juin 2015, ils allaient commencer à tracer les routes, mais les actes n'ont pas joint la parole. Il y a des habitants à qui leurs maisons ont été détruites pour dégager l'espace, mais les activités n'ont pas continué. Tout ce qu'on demande, c'est que le directeur de l'urbanisme intervienne pour notre cause et que ces routes soient tracées ou qu'on nous donne le droit de s'organiser entre nous ou qu'on nous réattribue les 48% de nos parcelles qu'on avait disponibilisées pour cette activité. Cet habitant de Nyengabusoro a été traduit en français par Didier Niyonzima et la direction de l'urbanisme demande à ses habitants de s'adresser à la société immobilière publique SIP. Nous n'avons pas encore eu leur réaction. Radio Isanganiro Chronique. Comme tous les mardis, la chronique santé nous parle aujourd'hui de l'utilisation des pilules érotiques, ces médicaments qui aident les hommes à tenir longtemps lors des rapports sexuels. Le conseiller conjugal et sexuel Beni Ndaishimiye fait savoir que ces pilules érotiques entraînent des effets néfastes quant à la santé de l'homme ou les relations entre les couples. La chronique santé nous est présentée par Francine Diokugayo. Les pilules érotiques sont ces produits qui permettent à certains hommes de faire durer le plaisir de leurs relations sexuelles. Ces pilules sont utilisées par les jeunes, mais aussi par les adultes, si l'on en croit le conseiller conjugal et sexuel Beninda Chimiye. Ce sont des pilules que les hommes ont l'habitude de prendre pour faire durer l'excitation, pour l'endurance sexuelle. Lors des rapports sexuels. Ce sont des pilules qui ne sont pas conseillées médicalement. Ce sont des pilules qui font durer le mécanisme érotique de l'homme. Chez nous, au Burundi, je dirais que la vitesse de propagation commence à être accélérée. Aujourd'hui, on ne sait pas de quel marché on achète cela, mais ça se vend. Les hommes commencent à acheter cela. Ce conseiller conjugal et sexuel nous parle des principales raisons qui poussent les hommes à consommer ces produits. Il y a des hommes qui prennent cela sous pression d'une influence de groupe, qui lui disent, si tu prends cela, tu vas faire l'endurance et puis ta femme va t'accepter comme ça. La deuxième cause, ce sont des hommes qui ont un problème de stimulation érotique. Donc, des hommes qui n'ont pas cet aspect de voir l'excitation, qui ont les conseils à prendre ces pilules pour qu'ils puissent avoir cette excitation. Troisième cause, ce sont des gens qui ont un problème de maintenir l'érotisme. Ça veut dire d'avoir plus de temps à maintenir son excitation. Et ils prennent cela pour avoir beaucoup plus de temps à être excité parce que ces pilules, le minimum de temps que tu peux passer, c'est une heure. Et puis la quatrième cause, c'est, je dirais, des pressions qu'ils reçoivent de leurs femmes. Il y a des hommes qui ont des éjaculations précoces, voire même prématurées. Donc, leurs femmes le disent, « Oh mon Dieu, tu ne fais rien, tu t'es nul, tout ça. » Et cet homme-là, et cette masculinité qui entre en jeu, et puis il va consommer ces trucs pour qu'il puisse avoir de l'endurance et s'affirmer chez sa femme. Autre cause, c'est qu'il y a des hommes qui veulent affirmer leur virilité même chez leurs femmes par cet aspect de faire des rapports sexuels à plusieurs temps. Des médicaments qui ont des conséquences multiples, selon toujours Beninda Ishimiye. Quand tu consommes cette pilule, c'est que tu dois passer au moins une heure. Mais les gens oublient qu'ils n'ont pas la force de passer une heure. Donc il y a des gens finalement qui sont fatigués parce qu'il y a l'enjeu du cornet vertébral, il y a l'enjeu de tout le corps. Il y a même ce scandale-là de ne pas continuer tout en état excité. Donc c'est un peu ça qui est malheureux. Et aussi, une autre conséquence, ça détruit même le phénomène excitatoire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu consommes une pilule, c'est qu'à un certain moment, tu fais augmenter le volume, ça veut dire d'excitation, qui est au-delà de ta nature. Alors, si toujours tu fais cela, à la longue, dans 3 ans ou 5 ans, tu n'auras même plus. Il y a même une impuissance qui est là. Ça commence par une impuissance qui est légère et puis ça devient sévère à la longue. S'il advère que ce soit une femme qui a exhorté à l'homme de consommer la pilule, la femme, elle sera satisfaite. La femme, ce qu'il faut faire attention, c'est que elle jouit, mais elle est en train de détruire l'homme à la longue. La prise de ces pilules peut aussi entraîner des problèmes au sein des couples. Il y a ce détournement de regard vers sa femme. Il ne la considère plus comme une femme en pleine valeur et la considère comme un outil. Deuxièmement, il y a une conséquence émotionnelle. Il y a un slogan qu'on dit toujours par rapport à ces pilules ou à des pratiques pornographiques. Il y a ce qu'on dit, faire l'amour sans amour. Donc, ce serait ça, parce que si tu consommes les pilules, tu ne considères plus l'amour de l'autre, le plaisir de l'autre. Il y a un peu cet égoïsme de plaisir. Une autre cause, c'est que c'est quand l'homme l'utilise, sans toutefois consulter sa femme. Et là, il y a une forme de contradiction au sein de la conception des rapports sexuels. Là, la communication s'opère parce que l'homme va se sentir comme la femme ne veut pas qu'elle devienne performante, tout ça. Et la femme, elle se sent comme utilisée parce qu'elle sent que l'homme fait les rapports sexuels sans amour, en fait. Consulter un médecin en cas de problème sexuel, est-ce que le conseiller conjugal et sexuel Beninda Echimiye suggère à ces gens, car la consommation des pilules érotiques n'est en aucun cas une solution? Merci à Francine Ndehokoubgaï pour cette chronique santé. Ainsi se referme ce journal. Mais je vous en rappelle quelques titres. L'Union européenne appelle le gouvernement burundais à s'engager pleinement dans les négociations conduites à Arusha en Tanzanie par le médiateur Benjamin Mkapa. Cela a été dit ce mardi par le directeur Afrique au service d'action externe de l'Union européenne. Et la commission chargée du redéploiement des enseignants dit avoir fini son travail. Le président de cette commission précise également que le délai de recours a déjà expiré. Et dans un point de presse de ce mardi, Libo Abigilimana met en garde quiconque ne se présentera pas à son nouveau poste jusqu'au 7 octobre, qui sera considéré comme déserteur. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.